Pour la première fois en France, Une pause à la sauce truelle, Trunel. s'il vous plaît. Est-ce normal, toutes ces galères? Moi j'y crois toujours et les gens me disent d'arrêter. Moi, c'est clair, je veux pas être célibataire. Peut-être qu'une petite pause, ça pourrait tout régler. Elle va me manquer, j'aurais envie de l'embrasser. Et quand je la verrai, j'aurais tout oublié. Elle de son côté pensera tout le temps à moi. Elle se remettra en cause et tout s'arrangera. Oh, ah les peaux, c'est vraiment trop triple. On devrait y penser plus souvent. Tu veux casser, mais tu hésites à aller. Lance-toi maintenant. Ah les peaux, c'est vraiment trop triple. On devrait y penser plus souvent. Tu veux casser, mais tu hésites à aller. Lance-toi maintenant. Alors ça y est, j'y suis. Donc ça, une pause, on se revoit plus du tout. On se remet pas en cause. Moi je rencontre plein d'autres meufs, et pour elles c'est pareil. On dirait une fleur entourée de 7000 abeilles. Oh! Allez, pause, c'est vraiment trop le trip. On devrait y penser plus souvent. Tu veux casser, mais tu hésites. Allez, lance-toi maintenant. Allez, pause, c'est vraiment trop le trip. On devrait y penser plus souvent. Tu veux casser, mais tu hésites. Allez, lance-toi maintenant. Je la rappelle, c'était trop le trip. C'était la seule unique à me sucer la. Chut, décrocher mon phone, c'était tout à l'heure. J'ai pas très bien compris pourquoi limiter le répondeur. Je vais lui laisser du temps, c'est sûr qu'elle en a besoin. Elle passait toujours 3 heures dans la salle de bain. Oh! Allez, pause, c'est vraiment trop triple. On devrait y penser plus souvent. Tu veux casser, mais tu hésites à aller. Lance-toi maintenant. Allez, pause, c'est vraiment trop triple. On devrait y penser plus souvent. Tu veux casser, mais tu hésites à aller. Lance-toi maintenant. Faut que je pense à autre chose. Je crois que là, tout est fini. À moins qu'une pause puisse durer 7 mois et demi.